Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions d'Ammaj ont le plaisir de vous présenter Durus al-Madina, al-Juz al-Thani, les cours de Médine, tome 2, une suite de cours donnée par le frère Khalil al-Martiniki, hafidhullah ta'ala, au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bi-Dammaj, au Yémen, cours numéro 30 et cours numéro 31. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Ayyub bismillah ar-Rahim, as-salatu was-salam ala nabiyyina Muhammadin wa ahli wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yawmiddin amma ba'd. Tayyib musawhib al-as'ila min ad-dars at-tasi' wa 29. As-su'al al-awwal yaqul lima lam yahujj Mas'ud hadha al-'am? Pourquoi Mas'ud n'a-t-il pas accompli le hajj cette année? لأنه مرض أيام الحج. ثانيا كم مرة حج المدرس؟ كم مرة حج المدرس أكمل الحج؟ حج المدرس 5 مرات. نعم أكمل الحج 5 مرات. ثالثا من أين جاءت رائحة الكريهة؟ d'où provient la mauvaise odeur؟ من جاءت رائحة كريهة من الحمام. نعم la mauvaise odeur vient des toilettes. Rabian, limaza kharajat il raihatul karihatu min al hammam? Pourquoi la mauvaise odeur est-elle sortie du hammam? لأن القمامة التي رماها أحد الناس سدت البالعة. نعم طيب. Car la poubelle qui était lancée par une des personnes a bouché les défécations, les égouts. طبعاً الآن Inch'Allah, سنكمل هذا الكتاب بالدرس الثالث وواحد درس الثلاثين وواحد وثلاثين. On va finir avec le cours 30 et 31, Inch'Allah, qui sont courts et qui tous les deux sont liés et qui se rapportent au Musanna, l'un d'entre eux, domir, lorsqu'il est qu'un verbe, et l'autre, na'at. طيب, ça n'a pas de درس. من تقرأ؟ Vas-y, Ibda. طيب يقول يقيف بالباب فتيان. Donc deux jeunes garçons se posent devant la porte. Ça devant la porte. مدرس يقول ادخلا من انتما. Donc il leur dit entrez tous les deux. Qui êtes-vous deux? Qui êtes-vous? Mais là il veut dire qui êtes-vous, hein, vous deux quoi. نحن طالبان جديدان. Nous sommes deux nouveaux étudiants. مدرس يقول مرحبا بكما من اين انتما. Donc il dit bienvenue à vous deux. D'où venez-vous? Et nous sommes de Chine. Mudarris yaqul mata wasaltuma il madinati al munawwirati wal nabawiyya. Quand êtes-vous arrivé à El Medina? Vous deux. Wasalna ams. Nous sommes arrivés hier. Mudarris yaqul a tawamani antuma. Est-ce que vous êtes des jumeaux? Naam. وكيف عرفت ذلك يا أستاذ؟ Donc il dit, l'un d'entre eux dit, oui. Et comment as-tu su cela au professeur? مدرس يقول عرفت من الشاب الذي بينكما ما أسمعكما. Donc il dit cela par la ressemblance qui est entre vous deux. Quels sont vos noms? اسم الحسن وأخيه اسم الحسين. Parce que là il dit mon nom est le Hassan. Et mon frère, son nom est le Hussein. Al-Mudarris Yakul. Alakuma ikhwatun wa akhawat. Est-ce que vous avez des frères et des sœurs? Naam. Lana akhawani wa ukhtani. Amma al-akhawani fayamalani fi maktabi khututi jawiyya. Wa qad darasa fi ma'hadi al-lughati hada qabla sanawat. Wa amma al-ukhtan fasatadrusani fi al-madrasati thanawiyya. كانت لنا أختان أخريان ماتتا في الصغر. نعم. Donc ils disent oui, nous avons des frères et deux sœurs. Quant à nos frères, oh, deux frères et deux sœurs, enfin. Nos deux frères, ils travaillent dans les compagnies aériennes. Aérien, Khutut Jawiya, c'est les lignes aériennes. Et ils ont déjà étudié dans cet institut il y a quelques années. Et quant à nos deux sœurs, elles étudient au collège. Nous avions également deux autres sœurs qui sont mortes dans la jeunesse. en bas âge. Quoi. Dans les sakoul. Fi ay kulliyatin tulidan an tadrusa ba'd dirasati al-lughat al-arabiyya. Donc il dit dans quelle faculté ou section voulez-vous étudier après avoir étudié la langue arabe? أريد أن أدرس بكلية الشريعة أما الحسن فيريد أن يدرس بكلية القرآن الكريم. Donc Hassan dit je veux étudier dans la section de la législation et quant à Hassan lui veut étudier dans la section du Coran al-Karim. وافقكما الله. Donc qu'Allah vous accorde la réussite à tous les deux. نريد أن نذهب إلى المراقب. Donc il dit nous voulons aller surveillant. Dans les sakoul, la tadhaba ilayhi al-an fa innahu mashghul. Yumkinukuma an tadhaba ilayhi ba'd intihai al-hissa. Idhhaba al-an ila al-maktabati wa khudh al-kutub al-mukarrara. Donc il dit, n'allez pas ne vous rendez pas auprès de lui maintenant car il est occupé et vous est possible d'aller le rencontrer après à la fin de ce cours. Allez donc à la bibliothèque et prenez les livres prescrits, c'est-à-dire les livres demandés pour les cours. Taïeb. On prend les assilés, mon bachelor. Taïeb. Bien cool. Ajib, on est assilés, l'atia. Man el fatayan. Huma talibani jadidan. Nam. Ma asma ou huma. Quels sont leurs noms? Al-Hassan. Wa akhuhu ismuhu al-Hussein. Min ayna huma, d'où sont-ils tous les deux? Huma min as-Sin. Naam. Kam akhan wa ukhtan lahuma, combien de frères et de sœurs ont-ils? Lahuma akhawani wa ukhtani. Tayyib. Fi ayi kulliyatin yuridan an yadrusa, dans quelle section veulent-ils étudier? Yuridu al-Hussein an yadrusa bi kulliyati shari'a, amma al-Hasan fa yuridu an yadrusa bi kulliyati al-Qur'an al-Karim. Tayyib. Donc, alhamdoulilah, là, on a vu quoi? Les dama'ir qui se rapportent au mufanna, au duel, comme antuma pour le mukhatab, ou ahuma pour le ghaib, qui définit deux personnes. Et là, on va prendre aussi, lorsque c'est un verbe qui lui parle de deux personnes, comment il se conjugue. Et il se conjugue tout simplement comme les afal khamsa, comme yadhabuna ou comme yadhabina. C'est les mêmes règles. Tayyib. Fanyan yakul, dhar fil fara fi kulli jublatin mimayati el fir dhahaba. Elle mordit bad isnadihi il est domir et munasib. Donc il dit mets dans les trous le fier zahaba, tayeb, et attache-le au domir qui correspond. Aina Khalid Muhammad zahaba il est le maktabati. Donc il dit où sont Khalid et Hamid? Ils ont été à la maktaba. Ils ont été à la bibliothèque. Donc là regarde, t'as dit quoi? Zahaba. Donc le domir là, le alif à la fin, il revient à qui? À Khalid ou Hamid. Il prouve pour deux personnes. Il s'appelle Alif al-Isnaïn. Alif al-Isnaïn. Et c'est un domir, c'est un fa'il, le mot tassil. Thanyen. Aina aminatu wa ukhtuha dhahabata ila al-mustashfa li iyadata ummihima. Nam. Donc, où sont Amina et sa sœur? Elles ont été au mustashfa afin de visiter leur mère. Donc, tu as bien dit. Dhahabata. Donc là, on a ajouté un T. C'est quoi ce T qu'on a ajouté? Dhahabata. Ta'tanith, nam. C'est le même que Zahabat. Hiya. Donc on a mis le même ta et ensuite on a mis quoi? Le alif qui s'appelle lui alif l'isnatein quand il s'agit de deux femmes. Nam. Thalifan. Nam. Aina dhahabtuma amsiya akhawani. Nam. Où avez-vous été hier au les deux frères? Donc, Zahab Touma, on a mis Zahaba et on a rajouté à la fin, Domir Moutassil, Touma, Tayyib, qui veut dire vous deux au Mukhatab. C'est pour le Muzakkar, au Mouannas, al Mukhatab, al Musanna, aux deux personnes. Rabi'an. Il est Tabibati. Zahab Touma, ya Bintani. Nam. Est-ce que. Au docteur, avez-vous été au les deux filles? Donc là, c'est pareil, t'as bien dit. Zahab Touma, pareillement, qui lui est mutlor, qui est mixte. Il s'applique pour les hommes comme pour les femmes. Adam Afoum, Adam Filmordi. Donc comme on dit, ils ont été deux hommes. Zahaba, comme on dit, vous avez été vous deux à deux hommes. Zahab Touma, et deux femmes. Zahab Touma, pareil. Salifan, ضعف الفراء في كل جملة مما يأتي الفعل يذهب المضارع بعد إسناده إلى الضمير المناسب. Donc là c'est le même exercice sauf que là on fait avec le مضارع, le présent. جملة الأولى. أحمد وإبراهيم يذهبان إلى المكتبة كل يوم. نعم. Donc Ahmed et Ibrahim vont à la bibliothèque tous les jours. Donc يذهبان. On a ajouté quoi? Le alif al-ithnain et nun. Et ce nun c'est quoi ce nun? يذهباني. C'est quoi ce nun? Le nun. Aïe. Le nun c'est quoi? C'est un site. C'est علامة الرفع. C'est un nun. Aïe. Donc tu rajoutes le alif al-ithnain qui est le fa'il. Comme tu dis hum yadhabun, tu dis huma yadhabani. Donc le alif c'est le fa'il, c'est mudam al-muttasil. Et le nun qui est après yadhabani, c'est thubut al-nun, c'est le signe du raf. Tout simplement. Comme yadhabuna ou comme tadhabina. C'est le même nom. Fanyan. Aïna tadhabani. Ya waladani. Où allez-vous ô les deux enfants? Donc là, apparemment, t'as dit tadhabani, c'est un touma en fait. Tadhabani, mukhatab, mufanna muzakkar. Nam. Salifan. Donc les deux nouvelles étudiantes vont à la salle de salat, pour la salat. Au lieu de salat. Donc, tadhabani, pareillement. Le tala, c'est pourquoi? C'est parce que c'est le raib al muannas. Comme hier, tu tadhab, bah, tu dis pour les deux femmes, tadhaban. Et là, c'est pas mukhatab, c'est raib. Rabi'an. Mata tadhabani ila saydaliyati. Nam. Donc là, c'est le mukhatab. Quand est-ce que vous allez aller à la pharmacie ou les deux sœurs? Donc, tadhabani, là, c'est un touma, à deux femmes. Arsante. Rabi'an. Dors fil fora fi kouli jumlatin mimma yati fil l'am. Idhab ba'd isnadihi il est damir el munasib. Donc là, c'est la même chose, sauf que là, c'est avec le fil am, l'impératif. Comme il se conjugue avec l'alif al-ithnain. Tfaddal jumla l'oula. يا أخواني اذهبا إلى المسجد الآن. نعم. Ou les deux frères, allez au masjid maintenant. Donc اذهبا. Comme on aurait dit, ça avait été هم اذهبوا. Donc là, on a ajouté l'alif. اذهبا et أنتما. ثانيا. يا بنتاني اذهبتا إلى مكتب إلى مكتب المديرة. خطأ. Non, اذهبا. أيوة. نعم. Il y a pas de تا. Le تا c'est juste dans le ماضي. Donc, vous, les deux filles, allez au bureau de la directrice. Donc, Izhaba, pareil. Pour l'homme, pour la femme, pour les deux, tu vas dire Izhaba. Tayyib. Khamisan. Amam kulli jumlatin mimayati fil mudali marfou. Akmil bihi jumlata ba'd taghyir ma yalzam. Donc, devant chaque phrase, tu affirmes au présent, marfou. Donc, complète la phrase avec le changement qui en découle. طيب لي بتقون كوا الفاء منصوب طيب يكون دي كو سيكو علامة النصب dans ces verbes là افعل خمسة سون لو نون tout simplement. Donc il dit ماذا يريد الطالبان الجديدان يريدان ان يذهبا الى المهجع الى المهجع. Donc que veulent les deux nouveaux étudiants? Ils veulent aller au dortoir. Donc à la base, c'est yadhabani. Et là, comme les mansoub à cause du an qui est devant, alors les mansoub, wa alamatu nasbihi, hath noun. On enlève le noun. Comme yadhaboun, on enlève le noun. Comme tadhabin, on enlève le noun. Thaniyan. Yuridani an yal'aba kurat salla. Naam. Ils veulent jouer au basket. Donc là, pareil, à la base, c'est yal'abani. Et là, on enlève le noun parce qu'il y a un qui est venu devant. Les mansoub, wa alamatu nasbihi, hath noun. Thalifan. يريداني أن يشرب القهوة. نعم. Ils veulent boire du café ou le café. L'origine c'est يشرباني et là il منصوب on enlève le نون. رابعا. يريداني أن يسمع الأخبار. Ils veulent écouter les informations. Donc là apparemment il est on enlève le نون parce qu'il est منصوب à cause du أن. علامة نصبه حذف النون. خامسا. يريداني أن يجلس أمام المدرس. Il veut s'asseoir devant le professeur. نعم. Donc là, يجلسان, c'est l'origine. Et là, quand c'est le منصوب, يجلسا, son nom. Arsante. سادسا. Akmil kulli jumlatin mimma yati bi damirin munasibin. Donc on peut chaque phrase en mettant le damir qui correspond. Awalan. Ara'ayta talibayn aljadidayn? Naam. Ara'aytuhuma? Ahsant. Donc là il veut que tu mettes quoi? Le damir muttasil. طيب. Donc il dit est-ce que tu as vu les deux nouveaux étudiants? Donc là talibayn jadidayn. C'est quoi leur i'rab? Talibayn, c'est quoi son i'rab? طالبين نعم رأيت طالبين مفعول به منصوب نعم وعلامة نصبه نعم الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى أحسنت donc là il est منصوب parce qu'il est مفعول به et son signe du nasb c'est le ya quand il est مرفوع c'est طالبين quand il est منصوب ou مجرور c'est طالبين et جديدين les نعت ça vient dans le prochain dans le درس d'après inshallah donc as-tu vu les deux nouveaux étudiants il dit oui je les ai vus tous les deux quoi en fait. Raïtu Huma, c'est je les ai vus. Et là, Huma, il revient à qui? Au Talibayn. Fanyan. Qara'ta hatayni al-mujallatayni. Naam, qara'ta Huma. Naam. As-tu lu ces deux magazines? Il dit oui, je les ai lus. Donc là, hatayni, c'est quoi? Ism shara. À la base, c'est hatani, quand il est marfou. Là, il est mansou parce qu'il est marfou bi. Donc je dis hatayni. Et mujallatayni, badel. Nam qara'tuhuma, oui, je les ai lus. Et huma, yarji' ila man? Ou ila madha? Ila mujallatayn. Thalithan? Qala al-mudarrisu li Hamidin wa sadiqu. Wa sadiqi. Wa sadiqi, nam. Ma'touf. Nam. Ra'aytukuma fi al-masjid al-bariha. Donc le mudarris dit à Hamid et à son ami, je vous ai vu tous les deux dans la mosquée hier soir. Nam. Ra'aytukuma. طيب لا سبدمية متصل مخاطب المثنى مذكر رابعا قالت المديرة لزينب ومريم أريد أن أسألكما عن بلد زيد ها؟ عن بلد إيش كلمة الضمير عن بلدكما نعم عن بلدكما donc la directrice a dit à Zainab et Maryam je voudrais vous interroger, c'est-à-dire toutes les deux, sur votre pays, c'est-à-dire votre pays à toutes les deux. C'est-à-dire, Ouledou an as'alakuma, et Mariam, Mouzaineb ou Mariam, an beladikuma, et le pays de Mariam et de Zaineb. Arsenta. Sabian, Adib, an as'alatil atiya, répond à la question suivante. Awalan, mata kharaja Ahmedou wa khouhou bin al-Fosli. Donc, ça t'en inventé, en fait, la réponse. خرج قبل قليل نعم دونك خرج له الفاعل خرج قبل قليل له الفاعل الالف يرجع الى احمد واخوه ثانيا متى ذهبتما الى مكه quand avez-vous été c'est-à-dire tous les deux à Mecca quand est-ce متى ذهبتما نعم ذهبنا نعم ذهبنا في هذا السنة في هذا السنة هذا السنة وهذه وهذه السنة نعم وهذه السنة ثالثا ماذا شربت شربت فن زينب وسعاد كم بو كيس كم بو زينب وسعاد شربت القهوة كيف تقول؟ شربت القهوة. شربت القهوة. شربت القهوة. نعمك الألف رافع. رابعا أين يدرس حامد وخالد؟ ويتدي حامد خالد. يدرسان في المدرسة الثانوية. نعم. إذا تدي في الكولج. donc là يدرسان. طيب c'est مثنى. qui revient حامد et خالد. خامسا ماذا تغسل آمينة وأمها؟ qu'est-ce que lave آمينة et sa mère؟ تغسلان الثياب. نعم. elle lave les vêtements tout simplement. طيب. donc on a donné خلاصة des أفعال الخمسة. طيب. quels sont les أفعال الخمسة؟ c'est le verbe dont علامة الرفع lorsqu'il est مرفوع c'est كنون. Et lorsqu'il est mansoub majdoum, c'est on enlève ce nom. et c'est tout verbe auquel s'est attaché un damir au mudari'a ou alif al-ithnain ou au jama'a ou yom khataba. Donc il dit ta'amel ma yali, médite ce qui suit. Al-mudari' al-marfou' avec le fi'l dhahaba. Comment tu dis dans les afal al-khamsa? On peut dire afal al-khamsa ou amsiyat al-khamsa. Donc yadhhabani, ça c'est huma. Yadhhabuna, ça c'est hum. Tadhhabani, ça c'est antuma. Ou huma pour deux femmes. Tadhhabuna, ça c'est antum. Tadhhabina, ça c'est anti. Quand il est marfou, c'est comment? Avec thubut al-nun. On met le nun à la fin. Al-mudalir, al-mansoub. Lorsqu'il est mansoub. Lan, yadhhaba. Voyez, là c'est huma. Ils ne vont pas. Ou ils n'iront pas plutôt. Lan, yadhhabu. Hum. Ils n'iront pas. Lan, tadhhaba. C'est ou antuma ou huma pour deux femmes. Lan, tadhhabu. Vous n'irez pas. Ey antum. Lan, tadhhabi. Tu n'iras pas. C'est-à-dire toi à une femme. Al-mudali al-majum. Lorsqu'il est majum, c'est comment? Pareil. Bihaf al-nun. On enlève le nun. Lam yadhaba. Ils n'ont pas été. Ey huma. Lam yadhabu. Ils n'ont pas été. C'est-à-dire hum. Eux. Lam tadhaba. C'est vous n'avez pas été antuma ou huma pour deux femmes. Lam tadhabu. Vous n'avez pas été. Ey antum. Lam tadhabi. Tu n'as pas été. Ou tu n'es pas allé. C'est-à-dire toi, une femme. Donc il dit hadihi yal afal khamsa, et comme on dit aussi les amsilatu khamsa, on peut les appeler comme ça les amsilatu khamsa. I'rab al afal khamsa, leur analyse grammaticale, turfa'u bi thubut an-nun, donc ils sont marfou' en mettant le nun, wa tunsabu wa tujzamu bi hasf an-nun, ils sont mansoub ou majzoum en enlevant ce nun, tout simplement. Hada ma fahm. Nawasil fi ad-darsi al-hadi wa thalathin. On persiste et on continue dans le 31e leçon, qui est la dernière, Inch'Allah, qui concerne le Na'at. Tayyib, le Na'at, on a déjà pris quelque chose dans le kitab Awal, alhamdoulilah, il est facile. Tayyib, Nouassil, Ders les cours. Donc, tu veux prendre qui? Ibda. Hein? Comme toi, Ibda, il commence. Al-Mudarris Yakul, Einal Taliban et Jadidan, où sont les deux nouveaux étudiants? Ali Yakul, Yakul. Huma fil Maktaba. Donc il dit, tous les deux ils sont dans la bibliothèque, ils y ont été pour prendre les livres prescrits. Donc regarde, liyakhuza, il est où le nun? Le nun il est où? Liyakhuza al-kutub al-mukarrara. Ma'zouf. Aïwa. Parce qu'il est mansoub. En fait c'est yakhuzani, mais là comme il est mansoub à cause de la présence du lam ta'lil qui est devant. Et il est mansoub par quoi, Yahouza? Par en. Ahsant, al-Mundar. Al-Mundarris Yakul. Mata Zahaba. Quand ont-ils été? C'est-à-dire la Maktaba. Ali. Zahaba fil hissati thania. Thania, non. Ya Ustaz, uridu an ashtariya mu'jaman arabiya. Uridu an tadullani ala mu'jaman jayyid. Yikhi jayyad. Non, tout sinon. Eh ouais. Donc Ali dit, ils ont été lors de la deuxième séance, deuxième cours. Au professeur, je voudrais acheter un dictionnaire arabe. Je voudrais que tu m'indiques un très bon dictionnaire. Dalla yadullu, là c'est dans cette phrase-là, il veut dire indiquer. Dalla ala, c'est m'indiquer quelque chose. Nam mojayid, c'est bon. Il y a, comme tu as dit, une erreur. Indiquer. On est issu du harf Jarala, dans ce sens. Non, indiqué, il prend le sens quand il est issu du harf Jarala. C'est bien ça. Ouais, ça peut dire aussi prouver. Adayadullu, ala, kada, kada. C'est possible, vouloir dire prouver. Mais là, dans ce phrase-là, il veut dire indiqué. Non. Dans le sakoul, ishtali le mordjam el wasit, fa inon mordjamun jayidun. Donc il dit, achète le dictionnaire el wasit, car c'est un très bon dictionnaire. Et le problème, c'est qu'il y a plein d'images. El wasit. Il est bien. Il est bien, mais il serait mieux sans photo ou sans les têtes. Ahmed, Yakoul. Al-Yom, yantahi al-juz thani. Matanabda'u al-juz thani. Thalitha. Donc il dit, aujourd'hui se termine le deuxième volume. Quand est-ce que nous débutons le troisième volume? Al-Mudarris, Yakoul. Fil usbu al-qadim, incha'Allah. Nakrul yoma al-sofhatayn al-akhiratayn. Minajouz et Sani. Donc il dit, la semaine prochaine, c'est-à-dire qu'ils commenceront le troisième volume la semaine prochaine, Inch'Allah. Nous lisons aujourd'hui les deux dernières pages du deuxième volume. Aïe. Ça m'a dit, assis là. Aïna, Zahaba, At-Taliban, Jadidani, Walima. Où ont été les deux nouveaux étudiants et pourquoi ? ذهب ليأخذ الكتب المقررة. هذا ولما وأين؟ أنت جبت عن عن السؤال الثاني ما جبت عن السؤال الأول. أنت قلت ولما لكن هو قال أين؟ نعم أين هما في المكتبة؟ أحسنت. ذهب ليأخذ الكتب المقررة. نعم. ثانيا ماذا يريد علي أن يشتري؟ كاسك علي voudrait acheter ou veut acheter. يريد علي أن يشتري معجما عربيا. نعم يشتري ديكسيونير عربي. متى يبدا طلاب الجزء الثالث؟ Quand est-ce que les élèves vont commencer le troisième volume? يبدا طلاب الجزء الثالث في الاسبوع القادم. نعم ils commenceront le troisième volume la semaine prochaine. Parfait. Donc comme je dis là ça concerne le Nart. Voyez, il t'explique les règles du Nart qu'on a déjà appris donc alhamdoulillah rien de difficile. Il dit ta'amel mayali, mais dis ce qui suit. عندي معجم جيد. Tu vois là, ils l'ont bien écrit avec la kasra. هنا جيد نعت. طيب. J'ai un bon dictionnaire. Et là, جيد, c'est le nart de معجم. Et nart, on l'appelle comment aussi également ? C'est quoi le nart sifat ? Sifa. Non. On l'appelle aussi sifa. النعت يتبع المنعوت في الأمور الآتية. Donc il dit que le nart, le sifa, voyez, suit le man'out, celui qui est décrit, dans les choses suivantes. Awalen, fil i'arab, il le suit dans l'i'arab, dans son analyse grammaticale. Nahu, par exemple, hadha kitabun jadidun. Donc ça, c'est un nouveau livre. Donc, comme tu le vois, kitab, il est comment ? Marfour, car c'est un sahabar. Et jadidun, il est marfour comme lui parce que c'est un art, il le suit. Qara'tu kitaban jadidan, j'ai lu un nouveau livre. Donc là kitaban il est mafoul bihi mansoub, donc jadidan il est na't, il va être mansoub comme lui. Thalithan, hadha ismu kitabin jadidin. Donc là kitab il est majrour car il est mudaf ilayhi, donc jadidin il est majrour comme lui. Donc ça c'est le premier point dans lequel il suit dans l'arabe. Thaniyan fi at-tazkir wa ta'nif, et en genre, c'est-à-dire masculin et masculin comme lui, c'est les féminins et féminins comme lui. Nahu Ahmedu laubnu kabirun wa bintun sariratun. Donc là, Ahmed, un grand garçon et une petite fille. Donc regarde, Ibnu là, il est masculin. Donc kabir, il va être masculin comme lui. Et il est marfour comme lui, comme tu peux le voir. Et bintun, il est féminin, donc sarira, il est féminin pareil. Il le suit également dans Al-Ifrad ou Al-Tasniya ou Al-Jam. C'est-à-dire s'il est singulier en nombre, quoi. En nombre, s'il sera singulier comme lui, ou en duel comme lui, ou en pluriel comme lui. Nahu, par exemple, Lana Mudirun Salihun. Nous avons un directeur pieux. Donc là, Mudir, il est Man'out, et Salih, il est Na'at. Donc Mudir, il est singulier. Na'at, il va être singulier comme. Afwan Salih, il est singulier comme lui. Wa Mudarrisani Jayyidan. Et deux bons enseignants. Donc là, Mudarrisani, il est Musanna, donc Jayyidan. Les Nart aussi, Moussanna. Wa Zumala'u Mujtahidoun. Et des camarades studieux. Donc Zumala'u, là il est pluriel. Donc Mujtahidoun, il est pluriel comme lui. Et ils sont tous marfois. Et dernier point dans lequel il le suit. El Ta'arif ou El Tankir. C'est-à-dire s'il est Ma'alifa, il sera Ma'alifa comme lui, défini. Et s'il est Nakira, il le sera comme lui aussi, indéfini. Nahu, Indi, Sayyaratun Jadida. J'ai une nouvelle voiture. Donc là, Sayyaratun. Il est Nakira, donc Jadida, il est Nakira aussi. Il est Mouannas, donc il est Mouannas comme lui, il est Marfou, Marfou comme lui. Et il est Moufrad, donc il est Moufrad comme lui aussi. Thaniyan, Essayaratu, Jadidatu, Ghaliya. Il est où le Nart ici? Le Nart, il est où là? Essayaratu, Jadidatu, Ghaliya, Jadida. Non, mais Jadida. Et Ghaliya, il est quoi? Ghaliya, c'est le Khabar. Khabar, Ahsant. Donc la nouvelle voiture est chère. ثالثا اين محمد الياباني هو محمد الياباني دونك لا الياباني سي لو نارد محمد طيب اي كوم لي محمد لي معرفه كوم سان نون بروبر Al-Yabani prend Alif Wallem et les Marifa aussi. Salifan, Hati, Hati Daftaraka Al-Awwal, donne ton premier cahier. Donc là, le Na'at c'est Al-Awwal, il est Marifa parce que Daftarak, il est Marifa aussi car il est Moudaf, hein, Damir. طيب ثانيا عين النعت والمنعوت في كل مثال مما يأتي donc définit désigne le نعت et le منعوت dans les exemples parmi ceux qui sont exposés تفضل الجملة الأولى أريد أن أشرب ماء باردا يعني je voudrais boire de l'eau froide نعم باردا هو النعت المنعوت ماء أحسنت ثانيا أقرأ القرآن الكريم كل صباح يعني جلي جلي جلي القرآن كل ماتن نعم الكريم هو النعت والقرآن هو المنعوت أحسنت أسكن في بيتي جميل يعني جبي dans la maison de Jamil لا أسكن في بيتي جميل نعم يعني j'habite dans une belle maison أحسنت جميل j'ai cru c'était un nom ouais Jamil ça peut être un nom ça peut être correct mais c'est pas ça qu'ils veulent ils veulent pas un moudof ou d'affilé, ils veulent un art ou un manout. C'est pas faux le sens, le ma'ana. Non, il n'aurait pas été faux, mais il était sorti de ce qu'eux ils voulaient, en fait. Non. J'habite dans une belle maison. Non. J'ai mis les. Na'at, Obeit, Manout. Non. Fi hayyina masjidun kabirun. Là, t'as oublié une phrase avant. Rabia. Là. La taktuba bil qalam al ahmari. Allez, n'écrivez pas avec le stylo rouge. C'est vous deux, en fait, non, précis. N'écrivez pas, non, pas vous deux. Al-Ahmar, ou Al-Nat, Al-Qalam, ou Al-Man'out. Non. Fi hayyina masjidun kabir, lahu manaratani, jamilatan. Yani, dans notre quartier, il y a beaucoup de mosquées. Là, kabir, quoi. Ah, kabir. Alors, il y a une grande mosquée. Non. Et il possède, hein, deux minarets. De belles minarets. De beaux minarets, c'est masculin. Voilà, de beaux minarets. Non. Ça dit ça ? Attends, il faudrait que j'aille d'abord. Ah ouais, fan. Kabir. Nat, ou Masjid, Menhout. Sant. Jamilatan, Nat, Nan, ou Minaratan, Menhout. Sant. Aïn al-Mudarrisoun, al-Jodoud. Al-Jodoud. Yani, où sont les nouveaux professeurs ? Al-Jodoud. Al-Nat. Al-Mudarrisoun, Al-Man'out. Et là, comme tu vois, il n'est pas obligatoire que lorsque tu as, par exemple, un Jam Zakar Salim, que le Na'at soit comme lui. À partir du moment où c'est un Jam. Même si c'est un Jam Taxi avec un Jam Zakar Salim, c'est accepté. Ça me donne, on va essayer. Hafiztu suratayn et tawilatayn. J'ai mémorisé deux grandes surates. Non. Tawilatayn ou Al-Na'at, ou Al-Man'out, suratayn. هم رجال صالحون يعني ce sont des hommes pieux نعم صالحون نعت رجال منعوت أين أخوك الصغير أين أخوك où est ton frère ton petit frère الصغير هو النعت وأخوه هو المنعوت نعم ماذا قال لك أحمد أحمد الباكستاني Non, qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit, Yanni Ahmed le Pakistanais? Non. Le Pakistanais, le Na'at ou Ahmed le Man'out? Parfait. Voilà. Falifan, akmil kulli jumlatin mimma yati bi na'atin munasibin. Wadbutuhu. Donc tu mets un art qui correspond dans les trous et il y a mis les harakats qui convient. Tu as donné le mal oula. Akeltu ta'aman ladidan wa sharabtu qahwatan qahwatan yani baridatan. On peut dire ça. Baridatan. Baridatan. Alors traduit. Yanni, j'ai mangé de la nourriture délicieuse et j'ai bu un café froid. Meskin. Kawa barid. C'est pas facile. Fanyan. Aïna Tullab al-Judud. Yanni, où sont les nouveaux élèves? Non. Li akhawani kabirani wa ukhtani sagirani. Non? Ukhtani. صغيرة ثاني أيوة نعم يعني j'ai deux grands frères et j'ai deux petites sœurs نعم اشتريت قلمين مكسورتين مكسورين ها بدي صح مكسورين ها أيوة يعني j'ai acheté deux stylos cassés نعم عندي ساعة جميلة يعني j'ai une belle montre في الفصل مكاتب كثيرة نعم يعني dans la classe il y a beaucoup de bureaux نعم تلك السيارة جميلة للمدرس الجديد نعم يعني cette belle voiture appartient au nouveau professeur نعم أسكن في المهجع في المهجع نعم يكفي كيف كيف بغا دير الجديد نعم الجديد نعم الجديد يعني جابي دون نوفيل في المهجع الأول الأول نعم جابي دون دون لا بروميير لو برومي دورتوار برومي دورتوار بغا دير مهجع سي بلوريال سي سا لا سي المفرد لا مش تمون مهجع حسن اي نعم يعني جابي دون برومي دورتوار أين سيارتك؟ من كولور؟ أين سيارتك يعني الأزرق؟ لا أزرق سي مذكر وي سي سيارات لي فيمينان أزرق سي كل فيمينان الأزرق وي جو بلي لي فورم لا زرقاء نعم كيف تقول؟ زرقاء زرقاء الزرقاء نعم أين سيارتك زرقاء؟ يعني أين تا voiture verte؟ لا بلو نعم إبراهيم مين بي مين نصب ليو بي بي أيوة. نعم إبراهيم الباكستاني طالب جديد وطالب قديم طالب مجتهد يعني كسلان كما تريد هذه تريد يعني أيوة. إبراهيم الباكستاني est un étudiant paresseux الحمد لله بدي أكون أتعلم سوديه الحمد لله Et pour clôturer, Inch'Allah, on va juste faire un tour. Les halat et les halab. Tu peux le fermer, pas besoin. Voyez, qui était le principal pli de ce kitab pour celui qui va apprendre et à reconnaître les mots et leur statut dans les phrases. Donc on a appris déjà que l'irlab, elle est de quelle catégorie? Quelles sont-elles les quatre catégories? Les quatre catégories? Aïe, ouais. L'irlab? Aïe, ouais. Parfois? الرفع نعم الرفع النصب والخفض والجر والجر الجزم الجزم احسنت طيب الرفع سي كو سون اوريجين ما هي علامته الاصليه العلامه الاصليه هي ضمه ضمه هاش مثلا ان اكزومبل دو كو دي avec un مبتدا خبر avec un ضمه مبتدا خبر يعني القلم مكسور القلم مكسور طيب Qu'est-ce qui sort de l'origine? C'est quoi les autres signes du raf? Autre que le Dhamma. Al-Dhamma d'où? Al-Waw? Al-Waw. Quand? Fijal al-Mudakkar al-Salim. Naam. Mathalan. Zahaba al-Mudarrisoun. Aywa al-Fa'il marfou avec Waw. Et également le Waw, quand est-ce qu'il est? Alamat al-Raf? Al-Alif? Là. Hein? Waw. الواو هذا هنا في الواو توجور دون الواو الواو اللي علامة الرفع هذا نوت تريك اوسي نوت تريك في الاسماء اسماء الخمسة ايوه يعني جاء ابوك جاء ابوك نعم ابوك اللي فاعل مرفوع علامة الرفع الواو احسنت ايجالمون يا كوا كوم سين دو رفع الاليف الاليف مثلا Mata. Mathalan. Dans quelle catégorie de nom il est le alif il est Arantalaf. Pendant qu'il prend la place du fail. Là, je veux dire dans quel genre de nom. Dans quel genre de nom. Non. Vous avez appris là aujourd'hui. Non. Dans quel genre de nom. Par exemple, le waouh, il est Arantalaf dans quel genre de nom. Dans le Jamuzakal Salim. Ou l'Asma al-Khamsa. Donc là, le alif, dans quel genre de nom. Dans. Fil Asma al-Khamsa. Là. Araf. Araf. Ah ouais. Quand est-ce qu'il est marfou, bien alif. C'est quoi les noms qui sont. Qui prennent le alif. Fil Muthanna. Arsène. Hein, Fil Muthanna, Fakat. Ah ouais, Muthanna, le duel. Hatim Mithalan. Ja Talibani. Non, Ja Talibani, il est marfou. C'est un fail. Arsène. Donc on en a vu quatre. La Dhamma. Ah, le quatrième, vas-y. Ces trois-là, tu veux le citer, là, ils sont juste pour les noms. T'as pour les noms, à part la Dhamma, la Dhamma, elle est aussi pour les verbes. Et il y a un quatrième signe dans l'offre pour les verbes. Thubutunnun. Thubutunnun. Ça, c'est quand, ça. Fi la fa'al khamsa. Aïwa. Tadhabouna, yadhabouna, tadhabana, yadhabana, tadhabina. Arsent. Ça, ça concerne le rof. Maintenant, le nasb, c'est quoi son alamat asliya, son signe d'origine. Al-Fatha. Al-Fatha, Arsent. Et qu'est-ce qui sort de l'origine. Les signes qui font exception à la règle. La Fatha, c'est l'origine. Maintenant, c'est quoi les autres signes qui sont là. Le nasb. Fidjamal Moudakir. Salim, c'est quoi son alamat nasb. Aliya. Aliya. Aliya Batan. Salam al-Raytul Muslimin. Et également, le Ya, il est quand Jamuzakar Salim et il y a un deuxième truc. Jamuzakar Salim. Et fi. Fi Asma. Non. Fi Muthanna. Muthanna. Raytul Talibaini. Talibaini, n'am. N'am. Taïb. Également, parmi les signes du Nas, qu'est-ce qu'il y a encore. Sort de l'origine. Mathalan Mouanath Salim. Mouanath Salim. C'est quoi son signe de nom. Jamal Mouanath Salim. Aïe, ouais. Comment le monde saut. Raïtou. El Muslimata. Comment tu dis. El Muslim. Faut que je bois de l'eau, Akhi. Faut que je bois de l'eau. Ça sauve pas. Non, oh, ça y est, attends. Vas-y. Mansoud bi. Il kassera. Il kassera. Il y a bâtin en une fatha. Arraïtou muslimati. Naam. Également, parmi les choses qui remplacent la fatha, dans le nasb, qu'est-ce qu'il y a. Il y a l'alif. L'alif, arsent. Fi. Fi l'asma al-khamsa. L'asma al-khamsa. Arraïtou abaka, arraïtou akhaka. Arsent. Et dans les verbes. Hafnoun. Dans les affaires khamsa, on enlève le noun. Tout comme il prend la fatha dans les. Tout ce qui est autre que les affaires khamsa, il prend la fatha. L'an yadhaba, mesalad. Et lorsqu'il est affaires khamsa, on enlève le noun. Taïb. Bakiye, jar. C'est quoi la ramat orsilia du jar. Le symbole du jar. La kasra. Taïb. Quelles sont les choses qui font exception à la règle. Il y a Jamal Moudakir. Jamal Moudakir Salim. Ouais, c'est comment le majuro. C'est quoi le signe de son genre. C'est le ya, Niabaten. Arsent. Waidan, il y a un autre truc qui prend le ya. Deux autres trucs qui prennent le ya. Al-Asma al-Khamsa. Asma al-Khamsa. Salam Tour al-Abika. Et un troisième. Et le troisième, c'est le Muthanna. Aïwa. Salam Tour al-Talibaini. Arsent. Et il y a aussi la fatha, mais on n'a pas pris. Ça, c'est dans le ism, Mamoum Sarf. Il y a la fatha aussi, qui remplace la kasra. Oh, dans le ism, Mamoum. Par exemple, tu dis Salamtu ala Aishata. Tu dis pas Aishati. Non, c'est Mamoum Sarf. Mamoum Sarf. Mais là, on n'a pas trop parlé dans le livre, donc Inch'Allah, la Abbas. Et pour finir, le jazm, c'est quoi son signe d'origine. Sukun. Sukun, Arsant. Et c'est quoi. Les choses qui font exception à la règle. Il a deux choses. Déjà le Awalan. Il a deux choses. Hafnoun. Hafnoun, dans les Afal Khamsa, Salam, Lam Yadhabou. Et. Fi'a al-Mu'tal. Aywa al-Naqis, c'est quoi son signe? Al-Mu'tal. Al-Akhir. Al-Harf al-Illa. Aywa, on enlève le Harf al-Illa. Tu dis Lam Yakoui. On enlève le Ya de Kawa Yakoui. Donc voilà, le livre tourne autour de ça. Et aujourd'hui, on va terminer, bifalillah. Sallallahu ala nabina Muhammadin, wa ala ahli wa sahbihi, sallamat asliman kathira. Wa jazakallahu khair.